Bernard de Montréal et l'avertissement. Partie 1 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel, avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'un des aspects importants de Bernard de Montréal, qui, de mon point de vue, a été véhiculé tout le long de son parcours public à travers son instruction au fil des ans, parce qu'après tout, pendant près de 30 ans, Bernard de Montréal a donné des conférences devant public au Québec, et qui c'est toujours d'actualité, c'est cette mise en garde, c'est cet avertissement auquel il a procédé et qui, de mon point de vue, est d'une importance capitale, surtout à l'époque actuelle où des gens, de plus en plus, un peu partout dans le monde, vivent un éveil de la conscience, vivent une ouverture psychique à leur contrepartie cosmique, leur esprit, et également vivent une ouverture qui favorise des contacts entre leur conscience et également des entités astrales. Donc, une ouverture plus grande à l'invisible et aux êtres qui résident. Donc, dans un contexte comme cela, à mon avis, il est extrêmement important de réaliser l'aspect fondamental du principe qu'il a enseigné à l'effet qu'il ne faut pas croire. Donc, autrement dit, il ne faut pas nécessairement croire tout ce qui est dit par les gens qui procèdent à de la canalisation, parce que l'ouverture des centres s'opérant progressivement sur Terre chez les gens qui vivent un éveil de conscience fait en sorte que ces gens, n'étant pas habitués à converser avec l'invisible et les entités qui y résident, eh bien, sont dans une position de vulnérabilité, et c'est la raison pour laquelle que cet avis, à mon avis, doit être véhiculé par rapport aux gens qui œuvrent avec l'invisible, que ce soit des médiums, que ce soit des jeunes enfants qui reçoivent comme cadeau à leur anniversaire une tablette de Ouija, qui est une planchette qui sert à entrer en communication avec des entités. Et il y a des mises en garde qui doivent se faire pour éviter, entre autres, le dérapage, c'est-à-dire des gens qui vont être manipulés par des entités de l'invisible, des gens qui vont vivre des contacts psychiques avec des êtres qui vont les déséquilibrer, les déstabiliser. Et surtout, la dérive sectaire qui peut en découler. Donc, quelqu'un peut, en croyant une entité qui communique avec lui dans son cerveau, croire, par exemple, qu'il est en contact avec un archange, avec un ange ou un guide spirituel, alors qu'en réalité, l'entité peut utiliser une appellation qui est séduisante pour la personne qui l'entend et communique avec elle, mais qui est tout simplement une façade pour voiler son identité réelle, parce qu'elle sait qu'elle est capable d'avoir l'attention de l'individu si elle se présente sous un jour favorable, une façon de l'impressionner. Donc ça, c'est les dangers qui se rattachent à la croyance associée plus particulièrement au domaine de l'invisible. Donc, étant donné les dangers de la croyance, parce qu'il y a des gens qui vont entendre des voix et ça peut les amener, entre autres, à vivre des problèmes de santé mentale, sombrer dans la dépression. Il peut y avoir des gens aussi qui, sous l'influence de voix, peuvent commettre des tentatives de suicide ou même des meurtres. Donc, le contact avec l'invisible peut être extrêmement dangereux chez l'individu qui adhère à ce qui est dit spontanément, donc qui n'exerce pas son esprit critique, qui ne procède pas à des remises en question des propos qu'il reçoit dans son mental, parce que, après tout, le cerveau d'un être humain, est comme une station radio qui reçoit des ondes qui proviennent de l'invisible. Et c'est la raison, entre autres, pour éviter tous les déboires, tous les dérapages et les problématiques qui peuvent être occasionnés par la croyance qu'en début d'enregistrement sur cette chaîne, eh bien, je mentionne clairement un avertissement pour beaucoup de mes vidéos. Cet avertissement, je vais vous le présenter et par la suite, je vais vous expliquer point par point en quoi il consiste. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Donc, quand que je dis que les propos dans le cadre de l'enregistrement, il ne faut pas y croire, c'est dans le sens qu'il ne faut pas leur donner de l'importance si vous ne les vérifiez pas par vous-même. Avec votre ressenti, ce que je veux dire par là, quand que je parle de ressenti, c'est par rapport à votre contact avec votre source, votre esprit, ce que certains appellent votre double éthérique, votre contrepartie cosmique. Donc, c'est de vérifier pour ceux qui sont en contact avec leur esprit, eh bien, si ce qui est dit fait écho à une réalité. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait une perception vibratoire. Et pour avoir la perception vibratoire, il faut être branché sur la vibration de l'esprit parce que sans ça, ce n'est pas possible. Donc, ça prend une sensibilité médiumique pour être en mesure de le percevoir. Quand on parle de ressenti, certains vont utiliser le terme tout simplement intuition, qui est associé à une impression globale de nature synthétique, qui l'intuition sert à percevoir globalement une chose, donc si elle est réelle ou pas. La problématique à l'heure actuelle, c'est que l'intuition peut être colorée d'émotivité, de croyances, de préjugés. Donc, tant aussi longtemps que l'ego n'est pas totalement transparent, c'est-à-dire d'être libre des croyances et préjugés qui vont interférer sur l'intuition, comme les mémoires non intégrées souffrantes et ainsi de suite, donc liées aux traumatismes du passé. Donc, tant qu'il y a des éléments qui sont des variables qui vont teinter l'intuition, la rendre opaque, au lieu qu'elle soit claire et transparente, eh bien, à ce moment-là, c'est difficile de travailler avec le ressenti parce qu'il y a des interférences qui sont en relation avec l'ego qui va le colorer. Et c'est la raison aussi pourquoi que je parle de vérifier avec l'intellect. Donc, autrement dit, si la personne n'est pas en mesure de percevoir clairement si une chose est réelle ou non, à partir de son intuition, eh bien, elle peut travailler avec son intellect. Et pour parler du ressenti, ce que je peux mentionner également, c'est que le ressenti, c'est ce qui est utilisé, par exemple, chez les gens qui effectuent ce qu'on appelle de la radiesthésie, c'est-à-dire d'utiliser un pendule pour amplifier une vibration qui va donner accès à une information. Donc, c'est le même principe qui s'applique, c'est-à-dire que la personne peut poser à haute voix une question. Est-ce que telle chose, c'est réel ou non? Et s'il tient au bout de ses doigts avec une ficelle, une pendule, eh bien, il peut percevoir un mouvement involontaire qui va provenir de son système nerveux et qui va amener soit à connaître un mouvement en spirale avec les doigts qui va faire en sorte qu'il va bouger le pendule en faisant des ronds. Et plus que l'information est en résonance avec la réalité et qu'il le perçoit dans ce ressenti, plus que les ronds vont être grands, amples et nombreux et rapides. Tandis que si la personne ne ressent rien, eh bien, à ce moment-là, le pendule va rester au point mort, donc il n'y aura pas d'action. Donc, autrement dit, si par exemple la personne pose la question « Est-ce que la neige en hiver est blanche, eh bien là, à ce moment-là, il va vibrer l'information. Oui, c'est ça. Il va ressentir que c'est ça. Donc, il va activer le pendule. Tandis que s'il pose la question, est-ce que la neige en hiver, c'est vert ou rouge? Alors, ben là, il ne bougera pas parce qu'il sait que ce n'est pas ça. Donc, c'est des questions simples, mais ça peut être des questions aussi en lien avec des données qu'il n'a pas nécessairement étudiées sur le plan intellectuel. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Mais le but de cet enregistrement n'est pas de faire un cours de radiesthésie, mais tout simplement de vous parler de la notion du ressenti qui peut être perçue de cette façon-là à travers les gens qui utilisent le pendule, mais il y a différents moyens pour percevoir le ressenti. Donc, des gens vont pratiquer la méditation, les états altérés de conscience, les exercices de respiration, et ainsi de suite, qui vont amener un état de détente dans le cerveau, un état de réceptivité qui va faire en sorte qu'il va ressentir si, lorsqu'il entend quelqu'un parler dans le cadre d'un enregistrement, si c'est réel ou non.